Chapitre 4. Ah, oh, c'est trop fort, s'écria le père Picot. Qu'elle vaut rien, regarde ça. Et il tendit à sa femme une lettre qu'il venait de lire. Blême, il s'élança vers le comptoir de l'autre côté duquel sa femme comptait une pile d'assiettes. Dans sa précipitation, le marchand de porcelaine heurta du bras un échafaudage de verre qui roulèrent à terre en se brisant, avec un fracas qui fit sortir de son échoppe le cordonnier d'en face. Sa colère augmenta. « Je te l'avais dit que nous n'en ferions rien. Et c'est de ta faute. Avec tes idées de gloriole, tu l'as lancé dans les grandeurs. Tu as voulu en faire un médecin, tu n'en feras qu'un voyou. » Madame Picot, qui n'écoutait pas son mari, lisait la lettre, et à mesure qu'elle tournait les feuillets, rougissait. Des larmes lui coulant des yeux, elle tira son mouchoir. Jean annonçait à sa famille qu'il ne continuait pas la médecine pour laquelle il n'avait aucune vocation. Il voulait faire de la peinture. En voilà une idée. Peintre ? Où a-t-il pu prendre ça ? C'était bien la peine d'avoir dépensé tant d'argent à le faire apprendre le latin, reprit Picot. Tout ça ne va plus lui servir à rien du tout. Et les livres de classe qui encombrent le grenier ? Qui est-ce qui a bien pu lui donner cette idée-là ?